Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 17 juin 2021. Nous sommes le troisième jeudi de ce mois de juin et comme chaque troisième jeudi du mois, nous retrouvons notre émission spéciale en partenariat avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui va réaliser sa dernière émission de cette saison. Jean-Michel Steiner, historien, est avec nous, un membre actif du GREMOS bien sûr, pour cette émission spéciale qui va être consacrée à la commune de Paris et Saint-Étienne. L'émission GREMOS, c'est parti. Bien, merci au public d'être venu. Votre espace est suffisamment dispersé pour être respectueux des règles sanitaires de rigueur, ce qui est rassurant. Vous pourrez le dire à ceux qui auraient pu venir, ils ne risquaient rien. Donc bienvenue au cluster Benoît Malon des 150 ans de la commune que nous allons célébrer à notre façon. Le projet remonte à plus de 2 ans maintenant. Nous nous étions rencontrés avec Jean-Louis Robert à Paris. C'était même le 25 janvier 2019. Avait été prévu une foultitude de choses toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Et grâce au Covid, tout est tombé à l'eau naturellement. Voilà. Donc je vous présente nos trois conférenciers du jour. Jean-Louis Robert, Charles-Henri Girard qui nous parlera de la commune de Saint-Étienne, à la suite de quoi sera projeté le film de Jean Dasté des années 60 sur le monde ouvrier stéphanois, un document historique qui est tout à fait intéressant et qui va nous fournir une transition intéressante avec l'actualité de l'échec de la commune de Saint-Étienne par Pierre-Marie Dugas. Les questions et les réponses se feront à la fin de la triple présentation, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Sinon, vous levez la main et je vous dirai que c'est pas la peine de me demander, car c'est comme ça que ça va se passer. Merci. Bonjour à tous et toutes et bienvenue en ce jeudi 17 juin, troisième jeudi du mois, émission consacrée au GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois. Une émission mensuelle, dernière de cette saison 2020-2021, qu'on a tenu bon finalement, au mieux, dans cette drôle de période. Émission spéciale aujourd'hui, et vous venez d'entendre le propos introductif, hein, finalement. C'était le lancement de cette conférence qui s'est tenue il y a quelques jours et que nous avons suivi avec Jean-Michel Steiner. Jean-Michel est avec nous. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Lionel, merci de nous accueillir une nouvelle fois. Et oui, membre actif en ce qui te concerne du GREMOS, historien bien entendu, qu'on retrouve très régulièrement sur cette antenne et dans cette émission spéciale. Alors nous étions il y a quelques jours présents lors de cette conférence projection autour de la commune proposée par les amis de Benoît Malon. Annonce à l'instant des trois interventions qui étaient proposées. On va en retrouver deux essentiellement aujourd'hui. Deux conférences denses, intenses, dont on a tenté d'extraire l'essentiel. Mais bien entendu, nous pourrons diffuser et proposer l'intégralité de ces différentes interventions. Les amis de Benoît Malon, peut-être, représentaient cette association qui assurait cette rencontre, conférence. Oui, c'est une association qui a été créée sur le lieu même de naissance de Benoît Malon, à Précieux, animée notamment par Gérard Gacon, qui est son président actuellement, et dont Jean-Louis Girard, Charles-Henri Girard, que nous allons entendre, a été longtemps le secrétaire. Et cette association est aussi animée par Claude Latta, historien bien connu. Alors, l'événement de la commune, c'est le 150e. Tu étais trop jeune, Lionel, pour le centenaire, mais je me souviens de cet événement qui avait été très important dans la foulée de mai 68. Le centenaire est notamment cette montée au mur des fédérés qui avait marqué un profond retour de l'histoire de la commune. Alors l'histoire de la commune, c'est un événement important dans la dimension historique et dans sa dimension politique. Un événement parisien, mais aussi un événement qui a marqué la province. C'est en fait surtout un événement citadin, puisque toutes les grandes villes, pratiquement toutes les grandes villes qui avaient été touchées par l'industrialisation ont connu des mouvements communalistes, comme on dit actuellement. Alors, trois dimensions que Jean-Louis Robert va nous présenter dans cet événement, l'enjeu de la paix, l'enjeu de la République et l'enjeu social. Donc Jean-Louis Robert qui va ouvrir cette conférence, cette série de conférences, est un historien du mouvement ouvrier et plus particulièrement du monde ouvrier parisien pendant la Première Guerre mondiale. C'est ce qui va l'amener à revenir après sur l'histoire de la Commune, puisqu'il a fait sa thèse sur ouvrier et mouvement ouvrier parisien entre 1914 et 1919. Depuis de 2007 à 2013, il a été président de l'Association des Amis de la Commune et il a publié en 2015 le Paris de la Commune de 1871 et très récemment une enquête pendant la Commune sous la forme d'une bande dessinée. Alors, il est président aussi de l'Association des Amis du Métron. Et pourquoi je parle de cette casquette de Jean-Louis Robert ? C'est parce que le Métron a été le maître d'œuvre, sous la direction de Michel Cordillo, de la publication d'un livre événement qui s'appelle « La Commune de Paris 1871, les acteurs, les événements, les lieux ». Un livre qui est organisé autour d'une série de notices biographiques de communards qui sont parus dans le Métron, qui ont été revus, et un livre qui aussi propose toute une anthropologie, une géographie de la commune de Paris. Alors en 2003, Michel Cordillo était un des intervenants du colloque qui avait été organisé par les amis de Benoît Malon. Donc on revient à notre première amorce, la Commune de 1871, l'événement, les hommes et la mémoire, qui a donné lieu à une publication en 2004 par les publications de l'Université de Saint-Étienne. Donc Jean-Louis Robert, qui est un très bon historien de la Commune, va nous présenter la Commune de Paris. Voilà, on va le retrouver pour la toute première partie de son intervention. On rappelle effectivement donc cet ouvrage que tu rappelais, Jean-Michel, Le Paris de la Commune 1871 de Jean-Louis Robert, mais c'est un travail collectif, hein, une approche très diversifiée au travers de cet ouvrage qui est paru il y a déjà quelques temps. Et puis cette dernière bande dessinée qui est sortie au mois de mars dernier, Rouge Estampe, une enquête pendant la Commune de Paris, un roman graphique qui est paru aux éditions Stenkiss. Et puis on rappelle aussi que Jean-Louis Robert travaille actuellement à un nouvel ouvrage, une nouvelle histoire de la Commune de Paris 1871 qui devait paraître là, et qui doit paraître en tout cas durant cette année, qui est le 150e anniversaire de l'événement, un ouvrage conséquent hein, puisqu'il le rappelait durant son intervention, 1500 pages qui devraient composer et constituer ce nouvel ouvrage. Voilà, on retrouve donc en tout premier lieu en effet Jean-Louis Robert, donc c'est près là d'une demi-heure d'intervention de l'historien sur la Commune de Paris. Je vais aborder la commune assez rapidement parce que on est assez nombreux, mais je pense que j'ai affaire à un public plutôt érudit vu que vous êtes des amis de Benoît Malon. Vous connaissez assez largement la commune de Paris déjà, mais j'insisterai sur certains points comme je l'ai indiqué qui me paraissent ceux qui ont une actualité dans une certaine mesure plus grande, plus sensible, qui font que la commune résonne encore beaucoup. Et en tout cas, c'est certain que le 150e anniversaire a eu beaucoup, beaucoup d'échos, au moins dans la région parisienne, mais même là où j'ai été dans des contacts dans d'autres villes, on a réuni des affluences considérables, en particulier la dernière montée au mur des Fédérés, où il y est arrivé 15 000 personnes, ce qui est énorme, et que les médias ont superbement ignoré. Il n'y a pas eu une image télévisée, il n'y avait pas une chaîne de présente, comme quoi le côté amnésie sur la commune, ça fonctionne encore assez largement. Et vous savez que notre président a refusé que la commune de Paris figure dans les commémorations nationales. Hein. Donc, on voit qu'il y a encore des choses un peu brûlantes qui font qu'on ne peut pas toujours traiter de la Commune de Paris aussi, largement que l'on pourrait le souhaiter. Alors je vais évoquer très rapidement les origines de la Commune, que j'imagine vous connaissez, en insistant sur quelques points cependant. D'abord, l'aspect patriotique. Il y a un aspect patriotique, un aspect républicain, un aspect social dans les origines de la Commune de Paris. Et à chaque fois, il y a des temporalités longues et des temporalités courtes qui se heurtent et qui débouchent sur l'insurrection. Alors pour la patrie, bien sûr, la temporalité essentielle, c'est la guerre de 1870-1871 avec les Prussiens, guerre qui est particulièrement sensible à Paris, et même, je dirais, exceptionnellement sensible à Paris, à part peut-être Belfort, mais même là, le siège est moins long, parce que Paris va vivre pendant plusieurs mois un siège terrible. C'est une des causes de la Commune de Paris, c'est qu'aucune autre ville que Paris ne connaît un siège aussi énorme que ces 4 mois où Paris est encerclé par l'armée prussienne, mais il y a aussi des Bavarois, et c'est très dramatique parce que c'est vraiment, les gens meurent. Il y a des milliers de morts pendant le siège. Bon, les études démographiques maintenant montrent que, comme d'ailleurs pendant la guerre de 14 ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les périodes très dures comme ça, c'est massivement la population âgée qui meurt. Et donc on voit des milliers de personnes âgées qui meurent souvent discrètement, parce que les gens âgés à cette époque, ça meurt discrètement, on ne les voit pas. Il y a des milliers de personnes qui meurent de faim, de fatigue, d'épuisement, surtout âgées, pendant ce siège. Et les Parisiens, c'est là que ça va nous raccrocher à la Commune, les Parisiens vont se mobiliser pour la défense, pour eux, dans leur tête, c'est la même chose, de Paris et de la patrie. Paris et la patrie, c'est indissociable dans l'esprit d'un Parisien à cette époque. Donc ils vont se mobiliser, et particulièrement se mobiliser dans une forme spécifique qui s'appelle la Garde nationale. La Garde nationale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les citoyens qui vont créer des bataillons qui vont se fédérer à un moment dans ce qu'on appellera la Fédération de la Garde nationale, et ces bataillons ont plus ou moins, on n'a pas le temps d'y revenir, participé à la défense de Paris pendant le siège. Certains auraient voulu qu'ils participent plus, et l'armée ne les a pas beaucoup employés, mais en tout cas, se sont mobilisés, et disons qu'à la fin du siège, c'est-à-dire en janvier, il y a plus de 250 bataillons de la Garde nationale, ça fait à peu près 250 000 hommes. Un bataillon, c'est 1000 hommes. Il y a 250 000 citoyens qui participent à ces bataillons de la Garde nationale. Ces bataillons se sont fédérés et ils ont constitué à Paris une sorte de contre-pouvoir au gouvernement officiel. Alors ce contre-pouvoir, vous avez par exemple ici un exemple que je vous montre, hein, c'est le sceau de la 14e Légion. C'est pas un hasard, hein, le symbole qui est au-dessus, il est très clair de à quoi il se raccroche, hein, on le reconnaît bien, et ça montre aussi tout un esprit. Et la 14e Légion, c'est la Légion du 14e arrondissement. Pour vous donner une idée, tous les officiers de la Garde nationale sont élus, hein. C'est une armée démocratique. Tous les officiers, jusqu'au colonel, il n'y a que le général en chef qui est nommé par l'armée, mais tous les officiers, jusqu'au colonel qui commande cette 14e Légion, sont élus, irrévocables. Donc on a déjà là l'exemple d'une démocratie sur laquelle je reviendrai. Et le colonel qui dirige cette Légion, qui a été élu en mars, il a 21 ans. Voilà. Et c'est aussi un élément qui est très important, mais on n'aura pas le temps de le développer, pour en parler très longtemps, qu'une révolution, c'est un énorme appel aux jeunes. Hein, voilà. Et en 21 ans, c'est très typique. Donc voilà, cette Fédération de la Garde nationale, elle est l'héritière de ce combat patriotique. Elle s'oppose, comme beaucoup de Parisiens, après le siège, à ce que Versailles capitule et cède à Bismarck l'Alsace-Lorraine, des dettes considérables à payer, des milliards de francs, etc. Donc, cette dimension est présente hein, chez les Parisiens. C'est un point tout à fait important. Alors, elle se redouble, et voilà, par exemple, des gardes nationaux, avec des différentes armes qui peuvent exister pendant la guerre. Ces gardes nationaux, ils sont, je l'ai dit, dans une fédération. Cette fédération, on ne le voit pas là, mais si quand même, cette fédération, elle s'appelle Fédération républicaine de la garde nationale. Et ça, c'est le deuxième point très important dans les origines de la commune, c'est que c'est une insurrection républicaine. Alors, même parfois, on dit que c'est la dernière insurrection républicaine de la France, puisqu'au fond, après, la République est installée, même si ce n'était probablement pas celle que les communards voulaient. Mais la République sera installée. Et donc, c'est une insurrection fondamentalement républicaine. Et il faut se rappeler que Paris est une ville, comme beaucoup de grandes villes, massivement républicaine. Aux élections de février, qui suivent l'armistice de janvier avec les Prussiens, on va élire une assemblée nationale. La majorité sera monarchiste, divisée entre orléanistes, bonapartistes, légitimistes, différents courants de la monarchie, mais la majorité est nettement monarchiste. À Paris, c'était le département de la Seine à l'époque, sur les 43 députés élus, 42 sont républicains. Alors, ils ne sont pas tous des républicains socialistes, etc. Mais ils sont. Ça vous donne une idée de la massivité. Hein. Et dans les très, très bons élus, quasiment à l'unanimité, vous trouvez Victor Hugo, Garibaldi, etc. Hein. Donc voilà, vous avez une ville qui est massivement républicaine et qui se sent en opposition avec cette assemblée monarchiste qui, par-dessus le marché, choisit d'aller siéger à Versailles. Donc pour un Parisien, une assemblée qui va siéger à Versailles, c'est le chiffon rouge, comme on dirait maintenant. Hein. Ça veut dire que c'est presque une provocation. Enfin, le troisième point très, très lié dans les origines de cette révolution, c'est une révolution sociale. Et ça, c'est plus nouveau, parce qu'effectivement, depuis, disons, la fin du Second Empire, mais ça a commencé un peu avant, on n'a pas le temps de traiter de la révolution industrielle, mais ça s'est accentué pendant le Second Empire, la France a commencé à s'industrialiser. Paris, c'est un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers de métier, beaucoup de moins de grandes industries que là, au Creusot, où j'ai été faire une conférence, et où, évidemment, là, on a déjà de la grande industrie. C'est pas la même chose que non plus dans le Nord, où il y a du textile. Paris, c'est un peu particulier. Il y a encore beaucoup de ces ouvriers de métier qui sont très, très nombreux, de petites entreprises. Mais il y a quand même déjà un début d'industrialisation, déjà des entreprises plus importantes. Et on voit apparaître, à la fin du Second Empire, c'est pas seulement un mouvement français, mais c'est un mouvement international, avec la création de la Première Internationale, des mouvements organisés. Alors, ce sont des débuts de syndicats, on n'a pas le temps de les développer, mais c'est déjà une certaine puissance à Paris. Hein. L'international à Paris, en 1870, c'est déjà 20 000, 30 000 adhérents. C'est pas négligeable. Et ça mélange des sections locales et des syndicats, hein, parce que l'international, elle regroupe du politique et du syndicat, ils ne font pas de différence comme ça viendra après. Donc vous avez ce mouvement social qui naît, qui est un mouvement ouvrier, qui commence à poser des principes, grands principes de base, eh bien, c'est assez flou, mais il y a un point qui les regroupe tous, c'est que le travail doit être payé à sa juste valeur. Voilà. Alors après, les moyens d'y arriver, il faudrait exposer tous les socialismes qu'à l'époque, on n'a pas le temps, mais le point d'ancrage, c'est le travail doit être rétribué à sa juste valeur. Et donc, on voit apparaître des grèves, on voit apparaître des mouvements sociaux, on voit apparaître ces syndicats. Et ça, c'est le temps, disons, 2000 ans, mais c'est aggravé, évidemment, pendant le siège à Paris. Alors, c'est aggravé à Paris par des circonstances particulières, qui est la vie chère liée au logement. Vous savez, il y a les travaux d'Haussmann, cela fait monter le prix des loyers, des logements dans Paris, et on a un début de déplacement des classes populaires vers les périphéries de Paris qui commencent, mais qu'il ne faut pas exagérer, hein, c'est très loin d'être ce qui se passera après, mais ça commence. Donc il y a cette accentuation à Paris qui est un peu sensible. Et puis il y a la situation qui est créée par le siège, qui est une situation très dure. Il n'y a plus de travail. Et il y a des mesures qui sont prises, et c'est là que le temps le plus court joue, par le gouvernement de Thiers, qui sont très importantes parce qu'elles remettent en cause deux éléments qui permettaient de survivre aux Parisiens. Je les cite. La première, c'est que pendant le siège, les objets déposés au Mont-de-Piété ne sont plus remis en vente. Vous savez, quand vous déposez au Mont-de-Piété, eh ben, au bout de 6 mois, 1 an, si vous n'avez pas remboursé votre objet avec un intérêt, cet objet est mis en vente par le Mont-de-Piété. Donc vous le perdez. Pendant le siège de Paris, le gouvernement du 4 septembre, les républicains du 4 septembre, avaient décidé que ces objets ne seront plus remis en vente. On les garde parce qu'on sait que les gens ne peuvent plus, n'ont plus les moyens, il n'y a pas de travail de rembourser ces objets. Versailles, Thiers, le gouvernement de Thiers, décide de remettre en vente les objets dégagés du Mont-de-Piété. C'est très dur pour les ouvriers, par exemple, qui ont besoin, il y en avait des centaines de milliers d'objets, qui ont besoin de récupérer, par exemple, leurs outils qu'ils ont déposés pour travailler. Donc, ça, c'est une situation très dure. Et le deuxième exemple très fort dans cette partie avant le siège, avant l'insurrection, qui, pareil, est très dure pour les Parisiens, c'est la fin du moratoire des loyers et des effets de commerce. Pendant le siège, les Parisiens ont été autorisés à ne pas payer leurs loyers. Les commerçants, les boutiquiers, les artisans ont été autorisés à ne pas payer les effets de commerce, c'est-à-dire les dettes qu'ils avaient. Et là, l'Assemblée de Versailles, pareil, dit « maintenant c'est fini ». Vous devez payer les loyers, et y compris d'ailleurs les 4 mois non payés. Et vous devez, aux commerçants, vous devez payer les dettes, y compris toutes les dettes que vous n'avez pas payées depuis 4 mois. Donc on met fin à tout ce moratoire, ce qui est impossible pour les Parisiens. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Peut-être pour les plus aisés, c'est possible. Mais pour la grande masse, Paris, à l'époque, c'est 80% d'ouvriers dans la population active. Ouvrier au sens du 19e siècle, hein. Ça veut dire ou salarié ou petit artisan. Hein. La distinction, elle est subtile à faire. Eugène Potier, par exemple, l'auteur de l'Internationale, qu'est-ce qu'il est, Eugène Potier ? L'Internationale, juste après la Commune, et qui sera élu à la Commune, il est dessinateur sur étoffe. Voilà, ça, c'est typiquement un métier parisien de l'époque. Et il est alternativement, quand on étudie sa période, salarié ou il est à son compte. Au moment de la Commune, il a son petit atelier dans le sentier de dessinateur. Il est petit patron à son compte, Potier. Ce n'est pas un salarié ouvrier. Hein? Donc voilà, il y a toute cette complexité des rapports sociaux d'un peuple très particulier, mais qui est uni par beaucoup d'aspects, sauf les plus riches, devant ces mesures de Versailles qui créent cette situation très dure. De même que quand on annonce qu'on va supprimer la solde des gardes nationaux, c'est 1,50 franc par jour, c'est pas grand-chose, mais ça permet parfois de survivre. Donc vous voyez, il y a un conflit sur la patrie, sur la République, et plus nouveau et important, social, qui se cristallise entre Paris et le gouvernement qu'ils appelaient des ruraux, puisqu'ils pensaient que c'était élu par le monde paysan, que cette assemblée-là. Donc on a ces origines, vous voyez, qui remonte à des temps très anciens. Il y a de la Révolution française depuis le combat républicain sur un siècle, déjà presque. Il y a du patriotisme qui remonte aussi à Valmy. Et il y a des choses sociales qui remontent déjà à 1848, mais qui se sont renouvelées et qui se cristallisent à ces moments. Donc le 18 mars, il va y avoir cette fameuse insurrection que je vais décrire. Alors, on dit que le 18 mars, Thiers avait tout prévu, moi je n'en crois rien. Il pouvait penser que peut-être il n'allait pas gagner, mais il espérait bien reprendre la ville. Donc le 18 mars, Thiers décide de ne plus laisser cette sorte de double pouvoir qui existe à Paris, on peut parler ça d'une situation de pouvoir, avec le pouvoir du gouvernement, le sien, et le pouvoir de cette fédération de la garde nationale qui dirige 200 bataillons, avec un comité central qui dirige cette fédération. Il décide donc de mettre fin à ça, et c'est ce fameux épisode des canons de Montmartre, hein, qui appartenaient à la fédération de la garde nationale, qui était une centaine de canons, sur la butte Montmartre, qui à l'époque n'est pas construite, ou à peine construite, et qui appartiennent à la garde nationale et que les Parisiens considèrent comme leur appartenant à eux comme ville. Et il va donc tenter, le 18 mars au matin, de les reprendre, mais pas seulement, hein, en fait, c'est tout un plan. On envoie 20 000 hommes dans Paris pour occuper Paris au petit matin du 18 mars, dont une colonne qui va monter pour occuper la place Clichy, une colonne pour occuper le 20e arrondissement, une colonne pour occuper la rive gauche, etc. Et une colonne pour monter à Montmartre. Donc vous savez comment ça s'est passé. Le 18 mars au matin, l'armée met un peu de temps à atteler les chevaux, etc. Les femmes de la butte Montmartre qui vont travailler au petit matin, les blanchisseuses par exemple, qui viennent, s'aperçoivent qu'il y a les soldats qui sont en train d'atteler les canons. Elles vont aller avertir le comité de vigilance de Montmartre, hein, qui était une structure qui s'était aussi développée dans la ville à cette période, hein, où chaque arrondissement a son comité de vigilance. Et ce comité de vigilance fait appel à la population. Il faut imaginer que et les bataillons vont monter. Des bataillons vont monter sur la butte. Il faut imaginer que ça sonne le tocsin dans Paris, dans toutes les églises, le matin à 8h, 7h, 8h du matin. Parce que les chefs de légion de la garde nationale, ils envoient des gens dans les églises et ils disent au curé, il faut sonner le tocsin. Et le curé, il fait sonner le tocsin. Ça sonne dans les 70 paroisses de Paris, ça sonne à 7h du matin. Et donc, une partie de la population monte sur la butte, et là, ils vont tenter d'empêcher que l'armée emmène les canons, les femmes entourent les soldats, on leur donne à boire du lait, un peu d'alcool aussi. Et voilà, on fraternise un peu. À un moment, le général qui est là dit « Maintenant, ce n'est pas possible, dégagez la place, je fais tirer. » Il fait plusieurs sommations, il n'a pas fait tirer immédiatement, ce n'est pas non plus aussi simple. Et après plusieurs sommations, il dit à ses hommes « Feu !» Et là c'est là que tout bascule, parce que personne ne l'a prévu. Ce n'est pas une insurrection du tout organisée. Ce n'est pas octobre 17. Personne ne l'a prévu. La troupe ne tire pas. La troupe ne tire pas. En une seconde, tout bascule. Voilà. Ça, c'est aucune révolution totalement non préparée. Le climat existe, on l'a vu, il y a ce fantasme, mais personne n'a prévu, il n'y a pas de mouvement qui a prévu ça. Même le comité central de la garde nationale ne l'a pas prévu. Par contre, dans la foulée, effectivement, tout ça va se généraliser partout à Paris. On dresse des dizaines de barricades, il y a toute une transmission orale qui se fait dans le peuple parisien de comment on construit les barricades, hein. On se transmet de génération en génération. Et voilà, hein, c'est depuis 1830, on a fait comme ça des barricades. On sait les construire, les femmes, les enfants, tout le monde vient construire les barricades dans Paris. Et il y a des dizaines de barricades, et c'est des barricades très offensives, celles-ci, à la différence de celles de la Semaine sanglante, qui sont complètement différentes, parce qu'au fond, elles vont encercler les soldats qui sont un peu partout dans Paris, qui sont dispersés et qui sont entourés par le peuple. Et donc, Thiers perd le contrôle de ses troupes, en fait. Il n'a plus le lien. Et là, par contre, le comité central de la garde nationale va décider d'étendre l'insurrection à tout Paris. Et c'est là, par contre, là, oui, là, il y a une décision de ce comité central de la garde nationale. Et le soir, il va faire occuper la préfecture de police. Et vers 22h, 23h du soir, l'hôtel de ville, ce qui pour les Parisiens est symbolique, du pouvoir, même parfois pas seulement du pouvoir parisien, mais du pouvoir national. lui qui tient l'hôtel de ville de Paris, pourrait tenir le pouvoir national. Donc le soir du 18 mars, l'insurrection est quasiment maître de Paris. Thiers s'enfuit de Paris discrètement et rallie Versailles. Alors il y a toute une période que je ne peux pas évoquer, qui va du 18 au 26 mars, mais je n'ai pas le temps, qui va aboutir à l'élection de la Commune de Paris le 26 mars, le comité central de la garde nationale choisissant, on pourra en discuter, c'est un vaste problème, de ne pas exporter la révolution dans cette période, de ne pas aller à Versailles, de ne pas prendre un pouvoir national. Hein. Il souhaite, et la Commune de Paris le souhaitera toujours, rester fédéraliste. Hein. De ne pas imposer, sauf la République, on y reviendra peut-être, il faudrait discuter de ce concept, sauf la République qui est au-dessus des majorités, il ne souhaite pas imposer son pouvoir à l'ensemble de la France, il espère une fédération de communes qui reconstitueront la nation. Mais par contre, Paris veut être ville libre. Et donc Paris va élire le 26 mars son assemblée, qu'on va appeler elle-même la Commune. Alors, il y a beaucoup de raisons qui amènent à cette idée de commune. Là encore, je n'ai pas du tout le temps de les expliciter. Et il y a une majorité assez nette qui vote pour cette révolution, pas une grande majorité, mais une majorité quand même assez nette qui vote en faveur de la commune, d'établir cette commune. Et le 28 mars, elle est proclamée devant l'hôtel de ville de Paris, qui n'est pas tout à fait celui que vous voyez actuellement, puisque celui-ci, il a brûlé le 24 mai, mais il y ressemble quand même beaucoup. On va raccourcir de la même façon. Donc là, le 28 mars, la commune est proclamée devant l'hôtel de ville de Paris. On dresse le drapeau rouge, qui est le drapeau de la commune, mais on chante la Marseillaise. Le chant de la commune, c'est pas l'international qui n'a pas été écrit, le chant de la commune, que l'on chante partout, quand les bataillons vont au combat contre Versailles, ils y vont au chant de la Marseillaise. Ils ont le drapeau rouge, mais leur hymne, c'est la Marseillaise. Ils ne sont pas... c'est complexe, hein, ces rapports de la patrie à la ville. Mais c'est leur chant. Ou alors le chant du départ, la République nous appelle, pour la France elle doit mourir. Hein, ça. Bon, celui-là aussi, c'est ça les deux chants. Il n'y en a pas d'autres. Les chants de la commune, c'est ceux-là. Ce n'est pas ceux que vous entendez maintenant, le temps des cerises ou l'international. C'est pas ça, ils ne les ont pas, ces chants-là. Alors, à l'hôtel de ville, il va s'installer, c'est ça, à mon avis, un des points les plus forts de la commune, c'est qu'on va avoir une formule démocratique inédite. Alors, on n'a pas le temps de voir, parce qu'il y a énormément de courants dans la commune, il y a énormément de débats entre des socialismes différents, des républicains différents, des façons. Mais il y a un point qui leur est assez commun, ne serait-ce que par la pratique. Dans une révolution, souvent, la pratique, c'est ce qui compte beaucoup, le processus en cours, au moins autant que les idées qui sont là, dans la tête des gens, bien sûr, mais le processus et les contraintes jouent énormément dans le cadre d'une insurrection. Donc vous avez ce qui rencontre peut-être le plus leurs idées assez générales et le processus, c'est une sorte d'expérience démocratique particulière, très difficile dans ce qui va devenir un contexte de guerre civile à partir du 3 avril. Alors, le premier point dans cette démocratie, elle est assez marquée. Alors, je vous montre par exemple là un communard, hein, un ouvrier cordonnier. Il a 35 ans. Hein. Vous montrez l'usure au travail de ce que pouvait être un ouvrier à l'époque. Mais je vous montre ça parce qu'il y a eu beaucoup de cordonniers communards. C'était une des professions, les cordonniers, qui a toujours été parmi les plus sociales et républicaines dans la plupart des villes avec d'autres métiers, mais à l'époque c'était un des héros emblématiques avant que les métallos, par exemple, au XXe siècle, prennent le devant du mouvement social et du mouvement ouvrier. Donc, ce qui est frappant déjà comme élément de cette démocratie, c'est que parmi les élus de la commune, parmi les 81 élus de la commune, vous avez 30 ouvriers. Bon, jamais on ne retrouvera en France une assemblée qui a un tel pourcentage d'ouvriers. Jamais. Alors maintenant, on est au minimum. Hein. Je crois qu'il y a zéro ouvrier sur 470. Donc là, on est au minimum de la démocratie, du point de vue de la démocratie sociale. Bon, il y a moins d'ouvriers peut-être qu'à 40 ans, mais il y a encore 20% d'ouvriers. Et on est à 0 sur 470 ouvriers dans l'Assemblée actuelle. C'est hallucinant quand on y pense. Donc là, on a quand même 30 ouvriers. Et c'est tout à fait frappant. Par exemple, Jules Vallès, lorsqu'il voit la liste des chefs de la commune, hein, il dit « mais on ne les connaît pas ». Il écrit un article dans le Crédit du Peuple, « on ne les connaît pas, c'est des inconnus ». Alors, en fait, ils sont connus dans leur quartier. Ils y sont élus. Hein, ou dans leur légion, quand ils sont élus chefs de la garde nationale, des choses comme ça. Mais ils ne sont pas connus du milieu déjà médiatique qui existait à l'époque. Hein. C'est l'irruption d'inconnus qui arrivent au pouvoir. Pas tout strictement inconnus. Jules Vallès est déjà un peu connu, si vous voulez. Il n'est quand même pas très connu hein, comme écrivain en 1870. Hein, c'est considéré comme un tout petit écrivain à l'époque. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point de la démocratie. C'est que c'est une démocratie qui est exceptionnellement, qu'on a très peu connue dans notre histoire, ouverte à un gouvernement du peuple. Le chant du départ, chant de la commune, le précisait Jean-Louis Robert, la Marseillaise, et le chant du départ, pas les chansons que l'on peut entendre aujourd'hui, qui n'étaient pas finalement scandées à l'époque. Jean-Louis Robert, historien, qui intervenait à l'occasion de cette rencontre, projection, conférence proposée par l'Association des Amis de Benoît Malon, c'était début juin à la médiathèque de Saint-Étienne. Et nous sommes dans le Grémos qui consacre cette émission à la commune, commune parisienne certes, 1871, mais commune stéphanoise également dont on va parler d'ici un instant. Et nous sommes avec Jean-Michel Stenner du Grémos. Alors Lionel, très judicieux cette diffusion du chant du départ qui nous rappelle d'une part la dimension républicaine que Jean-Louis Robert a rappelée, hein, un Français doit vivre pour elle un Français doit mourir, hein, la République que nous appelle. Donc cette dimension républicaine qu'on a sans doute perdue de vue aujourd'hui, et cette dimension républicaine qui est ce chant qui date de l'an 2, c'est-à-dire de 1793, qui nous rappelle aussi que la commune s'inscrit dans une généalogie qui est issue de la Révolution française. Dimension républicaine, dimension patriotique, parce que ce chant est aussi un chant patriotique, et dimension sociale, ces trois conflits, ces trois dimensions que Jean-Louis Robert a évoquées, qui sont tout à fait caractéristiques, effectivement, de la commune et notamment de la commune de Paris. Et à Saint-Étienne, très présent Jean-Michel, parce qu'on peut voir des images d'archives où on retrouve une banderole sur le parvis de l'hôtel de ville où est indiqué « Patrie en danger ». Tout à fait. Et Jean-Louis Robert a dit « Paris était une ville massivement républicaine, Saint-Étienne aussi est une ville massivement républicaine qui, en 1870, a voté à plus de 70% contre l'Empire et contre Napoléon III » au plébiscite qui avait été proposé par l'empereur. Alors, cette situation stéphanoise, bien Charles-Henri Girin, qui est historien, qui a été enseignant, qui est toujours enseignant, pardon, dans la Drôme, qui a fait un mémoire sur l'histoire de la commune, qui a surtout été secrétaire des Amis de Benoît Malon, cette situation stéphanoise, Charles-Henri Girin va nous la présenter. Il insiste dans sa conférence sur le fait qu'il a beaucoup utilisé un journal publié au début de l'année 1871 à Saint-Étienne qui s'appelle La Commune, un document unique qui est conservé à la médiathèque de Saint-Étienne. Donc il resitue la commune de Saint-Étienne dans le paysage particulier de l'économie stéphanoise, cette expansion industrielle exceptionnelle qu'a connue notre ville dans les quatre décennies qui ont précédé, c'est-à-dire entre 1830 et 1870. Saint-Étienne est une ville ouvrière, Saint-Étienne est une ville remuante, Saint-Étienne est une ville républicaine, hostile au Second Empire. On écoute Charles-Henri Girin. La commune de Saint-Étienne, c'est un événement qui est très bref, puisqu'en gros, entre le 24 et le 28 mars, on assiste à la fois à la naissance et à la mort de la commune. Quatre jours un petit peu mouvementés, avec un épisode quand même très particulier, puisqu'on a la mort d'un préfet dans ses fonctions, ce qui n'est pas si fréquent dans notre histoire. C'est une commune qui, comme toutes les communes de province, est relativement brève, hein, puisqu'effectivement 4 jours, c'est très très peu. Comment expliquer cette brièveté? Je vais commencer par là, parce qu'en fait, ça va me permettre de citer Benoît Malon, parce que quand même, voilà, tout seigneur, tout honneur. Et Benoît Malon, qui dans la troisième défaite du prolétariat, écrivait à propos de Saint-Étienne que, tout, alors je lis, hein, je cite, « Tout l'élément populaire était soulevé, les mineurs étaient montés des puits et inondaient la place, les armuriers et passementiers étaient dans le mouvement. La révolution aurait pu être menée à bonne fin, mais l'inaction du comité lassa tout le monde. Le lendemain, la foule était bien moins nombreuse et ne comprenait rien à un mouvement dont ne se dégageait aucune action collective. Elle n'opposa aucune résistance aux 10 000 hommes de troupes qui reprirent l'hôtel de ville. » Et finalement, dans cet extrait, tout est dit, et c'est un petit peu l'axe de ma communication. Il y a les mineurs, les armuriers et les passementiers. Donc ça permettra de revoir un petit peu quelle était cette ces ouvriers qui soutenaient, et on retrouve, comme vous l'avez dit pour Paris, beaucoup de ces ouvriers qui sont dans leurs ateliers, qui travaillent à leur compte ou salariés, mais qui sont dans de toutes petites structures, à part les mineurs. Et puis il y a le programme politique de cette commune qui est très clairement écrit dans le journal La Commune, mais lorsqu'on arrive à l'hôtel de ville le 24, le 25 mars, eh bien on ne met rien en place, ou en tout cas il y a une espèce d'inaction de la part des chefs de la commune. Donc une foule nombreuse devant l'hôtel de ville et dans l'hôtel de ville, mais pas de véritable projet politique. Alors, si on reprend Saint-Étienne à la fin du Second Empire, au début des années 1870, c'est vraiment une ville qui a connu une explosion démographique. Hein. C'est une ville qui s'est très rapidement industrialisée. Il y a 56 000 habitants en 1851, d'après le recensement, et en 1872, on est à 110 000 habitants. Donc on a une ville qui a quasiment vu sa population doubler en 20 ans. Parmi ces 110 000 habitants, il y a 28 000 passementiers, qui sont de loin la corporation la plus nombreuse, parfois propriétaires de leurs ateliers, parfois pas, travaillant, mais c'est encore cet ouvrage à façon que l'on retrouve chez les passementiers. 16 000 mineurs, alors eux sont plutôt dans de grandes structures plus industrielles, 9 500 ouvriers métallurgistes, 6 000 armuriers, là encore les armuriers sont souvent plutôt dans de petits ateliers. Petit atelier de moins de 5 personnes. Donc mine et métallurgie d'un côté qui représente déjà ce qu'on appelle la grande industrie, et puis de l'autre côté, classe ouvrière marquée par l'artisanat, le travail à façon, principalement chez les passementiers, chez les armuriers. La situation de l'emploi est plutôt bonne. Hein. Il y a des mouvements sociaux qui ont marqué la région à la fin du Second Empire. On se souvient de l'Arrêt Camari et du Brûlé. Il y a des grèves à propos des salaires, à propos du temps de travail. Avec la guerre de 1870, les armuriers ont évidemment beaucoup de travail, donc c'est pas une profession qui connaît forcément des difficultés. Donc ceux qui prennent part à la commune, c'est vraiment les passementiers et les mineurs. Alors là, si on reprend les travaux de Claude Charrier, on voit que dans les compagnies de la garde nationale, les compagnies de garde nationale qui sont acquises à la commune et qui vont suivre le mouvement de la commune, sont des compagnies dans lesquelles on a une majorité, puisqu'on est par quartier, donc une majorité de passementiers, de mineurs et d'employés de commerce. Alors si on prend la compagnie du quartier de Grenette, 205 hommes, 108 mineurs, 51 passementiers, et le 25 mars, elle est présente à l'hôtel de ville. Et dans cette compagnie, 32 hommes étaient même présents dans la salle de l'hôtel de ville au moment de la fusillade qui tue le préfet. Et cette forte représentation des passementiers, des mineurs, des employés de commerce, en fait, on la retrouve à la fin de la commune, après la commune, au moment de la répression. C'est-à-dire que parmi les accusés au procès d'Orion, sur 56 accusés, il y a 17 passementiers, 17 employés de commerce, hein, on parle de profession commerciale, 5 métallurgistes, 4 ouvriers du bâtiment, 3 mineurs. Donc relativement peu de mineurs parmi les chefs. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que les mineurs, s'ils ont participé à la commune, c'est plus dans leur bataillon de garde nationale. En suivant, mais les chefs, ceux qui écrivent et ceux qu'on condamne à Rion, sont quand même plutôt dans cette... alors je ne sais pas s'il faut dire élite, mais dans ces ouvriers qui sont... Alors c'est là qu'on vous avait parlé des cordonniers, ça m'a fait penser à nos passementiers, à nous en fait, voilà, qui sont un petit peu ceux qui ont mené le mouvement. Alors sur le plan politique, maintenant, Saint-Étienne, donc toujours à la même époque, à la fin du Second Empire, est un des foyers de l'opposition au régime impérial. Voilà, aux élections législatives de 1869, c'est un républicain... Alors, Frédéric Dorion qui est élu. Au plébiscite du 8 mai 1870, le non l'emporte à Saint-Étienne avec 3/4 des voix, 76%, ce qui a entraîné immédiatement la dissolution du conseil municipal, d'ailleurs, qui était républicain. Et à la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, on a un préfet républicain, César Berthollon, un conseil municipal à majorité républicaine. Alors, bon, on l'a dit tout à l'heure, il y a tout un tas de nuances parmi les républicains. Donc, voilà, la première mission de ce conseil municipal en septembre 1870, Tibly Hévergne d'abord, puis son successeur Pierre Boudaret, puisque Tibly Hévergne meurt entre-temps, c'est d'organiser la défense patriotique. C'est-à-dire que là, on a vraiment toute la dimension patriotique des républicains de Saint-Étienne. Il faut organiser la défense du pays prioritairement. Alors, parmi les travailleurs républicains à Saint-Étienne, il y en a un certain nombre qui considèrent que ça ne suffit pas. Il y a des déçus de ces mesures républicaines immédiates considérées comme un peu impuissantes. Et on voit se créer un comité central républicain qui se met en place, qui tient ses réunions rue de la Vierge. Donc du coup, ça devient le club de la rue de la Vierge. C'est amusant comme nom finalement pour ce mouvement politique-là. Alors la rue de la Vierge n'existe plus. Elle serait située aujourd'hui entre elle est derrière l'actuelle poste et l'église Notre-Dame. Donc on est sur le parking dont le nom m'a échappé. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas quitté Saint-Étienne. Voilà, donc dans ce comité central de la rue de la Vierge, il y a des délégués qui viennent des différents comités cantonaux, ce qui permet un bon quadrillage finalement de l'ensemble des quartiers de Saint-Étienne. Alors on est organisé en comité, il y a des sous-comités, un comité sous-comité pour les finances, pour récupérer l'argent des contributions, un comité exécutif, un comité de correspondance. Ce club multiplie les réunions publiques et va même jusqu'à organiser une manifestation, enfin en tout cas une réunion devant l'hôtel de ville le 31 octobre 1870 pour réclamer du conseil municipal la proclamation de la commune. Donc c'est un mot qui circule, ce mot commune. Évidemment, le conseil municipal républicain, le 31 octobre 1870, refuse de proclamer cette commune. Et on continue d'avoir des réunions. 29 décembre 1870, c'est l'apparition du premier numéro de ce journal qui s'appelle La Commune, journal polycopié. Le gérant est Antoine Chastel, qui est passementier, qui est le secrétaire du comité central, a priori un membre de l'international. D'ailleurs, dans son dossier d'instruction au procès de Rion, il est dit qu'il est un meneur des classes ouvrières, fréquentant habituellement les clubs et les réunions publiques, ayant une notable influence sur les ouvriers stéphanois. Parmi les membres influents, enfin parmi les rédacteurs, parce que, alors les articles ne sont pas signés, hein, donc on n'a que le nom du gérant, mais les articles sont pas signés. Il semble quand même qu'un certain nombre d'entre eux soient écrits par Barthélemy Durbise. Mais enfin, bon, voilà, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit lui. Alors, cette feuille, c'est La Commune, et dessous, il y a un sous-titre « Défense nationale ». Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce journal ? D'abord, on a une attaque en règle contre les républicains bourgeois, contre Gambetta Ier. Déjà, quand tu dis Gambetta Ier, ça veut tout dire, que l'on assimile à un Robespierre ou un Bonaparte selon les articles. Et à l'échelon local, on a exactement la même attaque contre le conseil municipal, jugé un petit peu trop mou, contre les républicains modérés et contre le journal qui est un peu leur porte-voix enfin, sur Saint-Étienne et qui est l'Éclaireur. Voilà, on les accuse de vouloir diviser le mouvement républicain, on les accuse de vouloir déjà gouverner, monopoliser le vote et imposer leur volonté au peuple. Voilà. On a aussi une analyse du résultat du vote du 8 février, des élections législatives, où voilà, on critique la nouvelle assemblée qui est l'assemblée des ruraux. Ce que vous disiez, ben, on le retrouve dans ce journal aussi. Et puis, ben, ils essayent aussi de définir la commune, parce que bon, on a un journal qui se titre La Commune, mais qu'est-ce que c'est que la commune ? Alors, la définition de la commune est un peu, voilà, ils la définissent ainsi. La commune, c'est la pyramide sociale remise sur sa base. Par la commune souveraine dans toutes les affaires sociales, le travailleur dira ce qu'il veut, ce qu'il consent à payer. Et devant elle, administration, magistrature reprennent la place qui leur convient, c'est-à-dire celle de subordonné. Voilà, donc les pouvoirs administratifs, les pouvoirs judiciaires sont subordonnés au pouvoir du peuple. Pyramide sociale remise sur sa base, c'est la définition qui apparaît. Alors après, concrètement, on verra qu'à Saint-Étienne, ça ne débouche sur aucune décision particulière. L'idée, c'est que le pouvoir doit être conquis à l'échelon municipal et s'intégrer dans une fédération de communes. Mais voilà, on est encore dans le vœu pieux. On est à l'hiver 1870-1871, voilà, avant la proclamation de la Commune, et avant le mois de mars. Ce journal est en fait le premier à Saint-Étienne qui fait la synthèse entre des revendications sociales, alors qu'on avait déjà vu s'exprimer à la fin du Second Empire dans la région, et puis un projet un petit peu plus politique, la prise du pouvoir, l'instauration d'une commune pour résoudre les questions sociales. Alors, au lendemain de l'armistice, le 3 février 1871, il y a un premier incident dans la ville hein, qui déjà fait revenir une deuxième fois l'idée de la commune. Hein, 31 octobre 1870, on demande la proclamation de la commune. Février 1871, le maire, le préfet et le procureur de la République se rendent à une réunion au club de la rue de la Vierge suite à on a affiché en ville tout un tas d'affiches de placards incitant à une grande réunion. Et donc, ils y vont pour un peu tâter le pouls et prendre position. Le club de la rue de la Vierge leur demande de proclamer la commune. Alors, le préfet César Bertholon, évidemment, refuse de proclamer, et le conseil municipal aussi. Mais on est dans une deuxième fois encore, on demande la proclamation de la commune. On est le 3 février. Le 8 février 1871, sur l'ensemble du département, un seul républicain est élu. Il s'agit de Frédéric Dorian. Il était présent sur toutes les listes, hein, donc on assurait un peu les arrières. Tous les autres élus du département de la Loire sont issus de la liste conservatrice. Donc c'est à cette occasion que la commune avait fait l'analyse sur la victoire des ruraux, entre autres. Et donc, du point de vue du club de la rue de la Vierge, cet échec est assimilé comme l'idée que, en fait, c'est pas par les élections qu'on arrivera à proclamer la commune ou à avancer dans le projet républicain, et que il va falloir trouver peut-être d'autres moyens. Alors, est-ce que l'épreuve de force est déjà envisagée ? C'est pas forcément évident dans les écrits, mais en tout cas, clairement, ça va marquer une rupture avec les républicains modérés de l'Éclaireur et de l'Alliance républicaine. Alors, tout se précise à partir du 22 mars. Pourquoi ? Parce que d'abord, la nouvelle de la commune à Paris se fait de plus en plus précise. Les journaux locaux ont de plus en plus d'informations qui arrivent de Paris. Il y a des dépêches officielles de Versailles qui semblent préciser les événements qui ont lieu dans la capitale. Et l'Alliance républicaine, donc les Républicains, parlent d'un résultat aussi funeste que la déplorable insurrection de juin 48. Donc clairement, on a les Républicains de l'Alliance républicaine qui se désolidarise du mouvement. La Commune, elle, quand elle évoque l'événement, dit « Il faut que la Commune soit proclamée partout comme à Paris, que les gardes nationales remettent leurs ordres et fassent respecter la loi qui est la volonté du peuple. » Donc voilà, que les gardes nationales reprennent le pouvoir et que ce soit le pouvoir du peuple. On est le 22 mars, et le 22 mars, dans les journaux locaux, il y a un tout petit filet, tout petit bout d'article, voilà, trois lignes, qui indiquent qu'un nouveau préfet vient d'être nommé et qu'il va bientôt arriver à Saint-Étienne. Il s'agit d'un ingénieur qui s'appelle Henri Delépée. Mais ça fait deux lignes, quoi, dans les journaux. 23 mars, là c'est la nouvelle de la commune de Lyon qui continue d'échauffer les esprits. Donc là, cette fois-ci, le club de la Vierge se dit que ben, c'est le moment de proclamer la commune. On se rend donc du club de la rue de la Vierge jusqu'à l'hôtel de ville. On réclame la démission du conseil municipal. Et le conseil municipal accepte de démissionner, 17 voix pour la démission, 7 contre, mais déclare qu'il siégera en permanence jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Donc c'est toujours cette idée de la tenue de nouvelles élections. Et finalement, on va s'apercevoir que tous les actes qui sont pris évoquent toujours ces élections à venir, mais qui ne viennent pas, parce qu'on a, d'abord, elles n'auront pas le temps de venir, et par ailleurs, on ne les prépare pas nécessairement. Le soir, une réunion publique dans la salle de la Rotonde est organisée par les deux tendances républicaines, donc le club de la rue de la Vierge et l'Alliance républicaine. L'Alliance républicaine lance un appel au calme, essaye de temporiser. Ils ne veulent pas faire de commune, liste commune pour les élections avec le club de la rue de la Vierge. Donc on assiste vraiment à une division de ce mouvement républicain stéphanois. Et donc les membres du club de la rue de la Vierge, les partisans de la commune, savent que de toute façon, s'il n'y a pas de liste commune, on n'arrivera jamais à remporter les élections. Donc il faut franchir le Rubicon, il faut aller vers... on ne peut plus compter que sur soi-même. Et donc il faut réellement proclamer la commune et aller au-delà d'une alliance hypothétique avec ces républicains trop modérés. Donc ça explique les événements du lendemain, hein, puisque là, donc, cette réunion a lieu le 23 mars. Le 24 mars... quand on regarde la presse locale, l'éclaireur donc, continue à affirmer qu'il faut maintenir la légalité républicaine. La commune appelle les gardes nationaux à imiter le peuple de Paris. Donc il s'agit d'imiter le peuple de Paris. À 16h, nouvelle réunion rue de la Vierge. Et là, pour les délégués de la rue de la Vierge, ça ne se passe pas très bien parce que la population les accuse de faiblesse. Ça fait deux jours ou trois jours qu'on parle de proclamer la commune. Ça fait deux jours ou trois jours qu'on sait qu'il y a une commune à Paris, puis une à Lyon, qu'on dit qu'il faut proclamer la commune et que rien ne se passe. Donc on les accuse un peu de faiblesse. Barthélémy d'Urbise est prêt à dire « bon, puisque c'est comme ça, je démissionne ». Et en fait, poussé par le peuple, tout ce beau monde se rend à l'hôtel de ville pour obtenir du conseil municipal la proclamation de la commune. Alors ça met un peu de temps pour aller jusqu'à l'hôtel de ville, puisqu'on n'y arrive que vers 22h le soir. C'est un cortège de quelques centaines de manifestants qui se trouvent devant l'hôtel de ville le 24 mars au soir. Sur place, la compagnie de la garde nationale qui est venue relever la garde de l'hôtel de ville est arrivée au cri de « Vive la commune ». La foule crie « Vive la commune ». Il y a des compagnies de garde nationale favorables à la commune qui s'amassent un petit peu autour de l'hôtel de ville. Et 11 délégués du comité central. Alors, c'est les futurs chefs de la commune, hein. Il y a Adrien Jolival, donc il y a Barthélémy d'Urbise, Antoine Chastel, dont on a déjà parlé. Il y a Étienne Faure, qui sera le commissaire de la commune. Alors, on dit coup tordu, parce qu'il a un torticolis et qu'il est un peu décalé du coup. Finalement, à 23h, ils sont autorisés, ces 11 membres, à franchir les grilles de l'hôtel de ville. Donc, ils rentrent dans l'hôtel de ville. Ils rencontrent Pierre Boudarel, le maire, les adjoints, le préfet intérimaire, l'état-major. C'est toujours la même incompréhension, c'est-à-dire que le conseil municipal continue à dire non, on refuse de proclamer la commune. Les 11 qui sont là pour proclamer la commune. Et donc, les délégués décident d'occuper l'hôtel de ville. Aidés par les gardes nationaux, ils arrivent à ouvrir les grilles, à faire franchir les grilles. Et à partir de ce moment-là, l'hôtel de ville est occupé. D'Urbise proclame la Commune et arbore le drapeau rouge sur la façade. Donc on est dans la nuit du 24 au 25 mars. Bon, pendant ce temps-là, il y a un train qui arrive et qui le préfet Henri de Lépée descend de la gare et va pas tarder à prendre ses fonctions. Le lendemain, 25 mars, l'hôtel de ville est évacué, c'est-à-dire que tant ça a été très agité pendant la nuit, le lendemain, vers 7h du matin, tout semble rentrer dans l'ordre. La presse locale relate un petit peu ce qui s'est passé, mais s'étonne de voir que le samedi matin, tout est calme. D'Urbis même est dans sa compagnie de garde nationale et donc assure son service à la garde nationale. Le préfet qui vient d'arriver fait placarder une affiche en ville. L'affiche dans laquelle il dit « En me faisant l'honneur de me confier l'administration de votre département, le gouvernement de la République a compté que je suivrai avec fermeté le programme de liberté, de conciliation et d'ordre qu'il se propose de maintenir. » Alors ça paraît un peu comme une provocation pour les membres de la commune, les partisans de la commune. Il ne se passe pas grand-chose dans l'immédiat. Le samedi matin, le préfet renforce la sécurité dans la ville. Et à partir de 16h, à nouveau, on recommence. C'est-à-dire que c'est, la Commune de Paris, c'est des événements du soir et de la nuit, en fait. Le matin, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être que plus l'heure avance, plus on a bien mangé, on a bien bu. En tout cas, les événements de la nuit du 25 au 26 peuvent sans doute expliquer aussi par l'alcool, j'en reparlerai. À partir de 16h, on se presse à nouveau devant l'hôtel de ville, on franchit à nouveau l'hôtel de ville, donc on est sur une deuxième occupation de l'hôtel de ville, comme on l'avait fait la veille pendant la nuit. Il y a du monde devant l'hôtel de ville, ça se bouscule un peu, il y a du bruit, il y a un coup de feu qui est tiré. D'ailleurs, il y a un manifestant qui est grièvement blessé, qui s'appelle Lyonnais. Alors du coup, on va chercher un peu le responsable, donc on va commencer à... imaginez qu'il s'agit d'un commerçant qui habite sur la place devant l'hôtel de ville, qui s'appelle Marx, qui est réputé conservateur. Donc Marx a été sur le point d'être lynché par la foule. Et puis après, on a cherché à lyncher un autre garde national plutôt favorable, plutôt conservateur, qui s'appelle Ventavon. Et là encore, ce sont bien les chefs qui vont protéger les deux pauvres malheureux, parce que sinon, on aurait assisté à un lynchage. Alors, qui est-ce qui a tiré ? En fait, on ne sait pas, c'est sans doute une balle perdue. Au même moment, fin d'après-midi, les choses s'organisent un petit peu à l'hôtel de ville. On met en place un comité exécutif, donc on retrouve toujours nos mêmes personnages. On a Adrien Jolival qui le préside, et ce comité exécutif est chargé d'administrer provisoirement la ville jusqu'à la tenue d'élection. C'est toujours l'espèce de mantra qui revient, c'est jusqu'à la tenue d'élection. On s'organise, on organise la ville, on envoie des gardes nationaux pour prendre le contrôle de la gare de Château-Creux, le contrôle du télégraphe, le contrôle de la Poudrière. Donc ça veut dire que finalement, quand on prend des mesures en fin d'après-midi, il semble qu'elles aient été relativement préparées, relativement cohérentes. Donc du coup, rétrospectivement, on se dit que le matin, si ça n'a rien passé, c'est parce qu'en fait, on était en train de s'organiser et de se préparer. Vers 17h, toujours donc dans cette journée du 25 mars, puisque finalement la commune étant relativement brève, on peut presque la suivre heure par heure, mais pas loin, le préfet de Lépée et le substitut du procureur de la République, qui s'appelle Jean-Baptiste Gubian, circulent dans les couloirs de l'hôtel de ville. Alors à cette époque-là, l'hôtel de ville et préfecture sont dans le même bâtiment, d'accord, ce qui explique que le préfet puisse se trouver dans des couloirs qui communiquent avec l'hôtel de ville. Et ils sont faits tous les deux prisonniers, donc ils sont entourés par une compagnie de gardes nationaux, une cinquantaine d'individus qui vont les mener dans la grande salle de l'hôtel de ville. Et dans cette grande salle, il y a la foule qui est là, il y a des gardes nationaux qui sont là, il y a des ouvriers. Ils sont pour les gardes nationaux présents avec leurs armes. Plusieurs fois, ils prennent le préfet à partie, plusieurs fois, ils le menacent. Ils menacent aussi le procureur par la même occasion. Et puis ça se remplit, On discute, l'alcool aide un peu à échauffer les esprits. Dans la soirée, Jolivalt, donc le chef du comité exécutif, se rend compte que le préfet et le substitut du procureur sont quand même pas forcément sous bonne garde, sont un peu menacés, donc il essaye de les exfiltrer, mais la foule l'accuse de faiblesse, donc il recule un peu. On met deux gardes chargés de la sécurité du préfet, donc il y a un qui s'appelle Fillon et l'autre qui s'appelle Victoire. Et avec le temps, avec l'échauffement des esprits, démarre une fusillade. Alors, comment ça s'est passé? D'où c'est parti? On a tout un tas d'hypothèses. Les plus folles ont couru ensuite dans Saint-Étienne le lendemain ou le surlendemain. Alors, la déposition de Gubian semble être finalement la version la plus plausible et la plus probable. Donc, a priori, il y a eu à nouveau une bousculade autour du préfet et de ses deux gardiens, donc des gens qui ont essayé à nouveau de le menacer. Et les deux gardiens, Fillon et Victoire, ont reculé. Et celui qui était devant le procureur de la République aurait trébuché, serait tombé par terre, entraînant avec lui le procureur. Sauf qu'en tombant, il aurait tiré un coup de feu malencontreusement. Et donc, à partir de là, quand un coup de feu au milieu d'une foule, plutôt aviné à mon avis, on a entraîné forcément d'autres. Beaucoup étaient armés. À peu près une minute de fusillade, ce qui est relativement long. Et au bout d'une minute, lorsque la fumée se dissipe, il y a trois corps par terre, donc Fillon, Victoire et le préfet de l'épée. Gubian ayant été protégé par son garde du corps, qui, pour le coup, a bien mérité son nom. Donc ça, c'est l'événement, finalement, qui va sans doute paralyser tous les dirigeants de la commune. C'est l'événement qui, d'une certaine façon, met fin à la commune. Parce que à partir de là, comment on va fonctionner dès le lendemain? À partir de la mort du préfet, tout se décompose progressivement. C'est-à-dire que le 27, les membres du comité central organisent la défense. Parce que là, ils savent très très bien que, enfin, en tout cas, ils ont clairement conscience qu'ils vont avoir l'armée régulière qui devrait intervenir. Donc, le lendemain, la garde nationale occupe toujours l'hôtel de ville, le drapeau rouge est toujours là, la garde nationale occupe toujours la gare, la poudrière, le télégraphe, et le comité exécutif organise la commune et organise la défense. Cette fois-ci, c'est vraiment la défense de la commune par rapport face aux hommes de ligne qui ne devraient pas tarder à arriver. Deux proclamations sont placardées en ville ce jour-là. Deux proclamations, l'une qui veut rassurer la population. La commune, ce n'est ni l'incendie, ni le vol, ni le pillage, mais la conquête des franchises et de l'indépendance que vous avez enlevé les législations impériales et monarchiques. La commune est la vraie base de la République. Donc voilà, il y a un discours encore politique. Et puis, il y a une deuxième proclamation qui est signée du commissaire Fort, dit Coup Tordu, et qui se veut lui aussi rassurant. Donc, c'est deux proclamations qui sont là pour essayer d'apaiser les choses. La cité est paisible, mais la garde nationale reste à son poste et se prépare, ainsi que tous les citoyens, pour le vote définitif. Et on redit que, tout est calme, on va procéder à des élections. Donc, on retrouve encore cette idée d'élections qui sont censées arranger tout ça. Alors, il ajoute « J'ose espérer que rien ne se passera de désagréable, qu'aucune alarme ne sera jetée dans l'air, ce qui m'obligerait à des arrestations bien pénibles pour un défenseur passionné de la liberté. » Voilà, donc on se prépare, on fait venir des fusils, des mitrailleuses, un canon pour défendre l'hôtel de ville, et on attend. Parce que finalement, on est dans l'attente. Les gardes nationaux qui sont affectés à la défense finissent par ne plus réellement comprendre ce qu'ils font là. Voilà, ils reçoivent des ordres, mais sans réellement les comprendre. Et c'est là que Benoît Malon, quand il parlait d'incompréhension, c'est ici qu'on la retrouve. Le journal Le Mémorial raconte une petite anecdote. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais elle est présente dans la presse locale, d'une discussion entre un garde national stéphanois de la commune et un soldat de ligne chargé de venir réprimer la commune. Et le communard pose la question au lignard en lui demandant « N'est-ce pas que vous n'oseriez pas tirer sur nous ?» Et la réponse du soldat, c'est « Avec ça que je me gênerais, moi et les camarades, nous en avons assez, voyez-vous. Sans vos bêtises, nous serions licenciés, nous serions chez nous, nous avons besoin de repos, nous autres. » Les camarades sont en Prusse, ne peuvent pas revenir, etc. Donc, on voit très bien que la tension est relativement forte. On voit très bien aussi que, finalement, le mouvement aussi de la commune et les gardes qui ont participé à ce mouvement le 27 mai, le 28 mai, n'ont pas compris ce qu'ils faisaient là, finalement. Il n'y avait pas de ligne claire politique. Le 27 mars. Le 27 mars, oui. J'ai dit mai. Ah, pardon, mars, oui. Vous voyez, c'est d'accord, là, je pense. Donc le général Lavoie, qui représente les autorités militaires on va dire régulières, lui aussi placarde des affiches. Ce qui est assez surprenant, c'est que le 26, le 27 mars, on a les affiches des deux côtés. C'est-à-dire que la commune placarde ses propres affiches et les autorités du gouvernement placardent les leurs. Donc on a aussi les affiches du général Lavoie, qui promet le retour à l'ordre. Il dit qu'il faut que cette anarchie cesse, et le plus tôt possible. Il faut que ces scènes de sang ne se renouvellent plus. Et c'est pourquoi, avant de proclamer l'état de siège, le général fait un appel à la conciliation. Il engage les citoyens honnêtes, généreux, à un moment égarés par perfide conseil, à déposer les armes, rentrer dans leurs fabriques, leurs ateliers. Donc ça, c'est dans la journée du 27 mars. Le général Lavoie regroupe ses troupes. Et donc, le 28 mars, 6h du matin, les troupes du général Lavoie quittent les casernes, prennent position autour de l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, il ne reste plus grand monde. Hein. Ils sont une soixantaine à défendre encore les positions. Les dirigeants sont déjà partis. Hein. Étienne Faure a fait une demande de passeport pour l'Amérique, entre autres. Voilà, ça s'est déjà un petit peu éparpillé. Avant l'assaut, une dernière conciliation est tentée. Donc, on envoie le baron Vital de Rochetaillé, un ancien candidat légitimiste aux élections dans la Loire, capitaine de la garde mobile, conservateur. Voilà, il discute et on obtient la reddition des quelques gardes nationaux qui sont encore à l'hôtel de ville. On est le 28 mars, il est 7h du matin. Rochetaillé enlève le drapeau rouge, on remet le drapeau tricolore. Fin de l'épisode. Et ensuite, ben, ce sera la répression. La répression, donc j'en ai un tout petit peu parlé, je crois que oui. Quelques soubresauts ensuite dans le département de la Loire, c'est-à-dire qu'autant à Saint-Étienne, ça redevient le calme plat à partir du 28 mars, autant on a dans la Loire, de temps en temps, des petits soubresauts. Donc un nouveau préfet arrive, qui s'appelle Joseph Ducrot. Lui, il est là pour ramener l'ordre dans le département. Du coup, on a un calme à Saint-Étienne à partir du 28 mars. Il ne se passe pas grand-chose. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'à Roanne, par exemple, il y a des affiches et qui sont placardés dans les rues et il y a des réunions publiques et sur ces affiches il est écrit qu'il faut faire avec le nouveau préfet, ouvrez les guillemets, comme on l'a fait à l'égard du chevalier de l'épée. Donc ça veut dire que voilà, ça se répercute dans une autre ville ouvrière qui, donc Roanne au nord du département. Charles-Henri Girin, pour la commune de Saint-Étienne, qui précisait d'ailleurs qu'il assurait cette communication et cette intervention seul, alors qu'il devait être accompagné au départ de Serge Grandjean, d'ailleurs, sur la commune qui devait assurer la communication à ses côtés. Jean-Michel Steiner pour le Grémos, et la fin de cette émission qui approche dernière de cette saison, on le rappelle. Je reviens rapidement sur ce qu'on vient d'entendre de la conférence de Charles-Henri Girin. Je crois que ce qu'il en ressort essentiellement, c'est beaucoup de tergiversations, beaucoup d'hésitations, ce qui montre que dans les communes de province, eh bien, finalement, comme on a peu de pouvoir, peu de communication, il faut rappeler que les communications se font difficilement, pas comme aujourd'hui, que faire en attendant ce qui se passe à Paris. Deuxièmement, la division entre républicains, une division qui va se prolonger dans les décennies suivantes et qui on en trouve beaucoup de répercussions dans les conseils municipaux des années 1890-1890. Une grande instabilité municipale à Saint-Étienne, qui reste une ville républicaine, mais où les divisions vont ressurgir régulièrement. Et puis, bien sûr, l'événement majeur, c'est la mort du préfet. Il y a eu deux événements comme celui-ci, hein, un en Corse et un à Saint-Étienne, dans toute l'histoire de la République. Donc c'est effectivement un événement important. Je remarque quand même qu'à un moment, on évoque la conquête des franchises et de l'indépendance. Je crois que c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai beaucoup senti ça en étudiant les conseils municipaux des années 1870-1880, c'est cette revendication dont finalement vont s'emparer les républicains modérés des libertés communales, parce que je rappelle que sous l'Empire, le maire est nommé, que le conseil municipal est quasiment nommé par le maire, et que ça va durer jusqu'en 1879-1880. Donc cette conquête des franchises, entre guillemets, communales, municipales, c'est une grande revendication. Voilà, alors la commune, bien sûr, se termine dans la répression. Pas très sanglante à Saint-Étienne, mais dure quand même sur le plan judiciaire. Par contre, beaucoup plus sanglante à Paris. avec la, bien entendu la période de la semaine sanglante qui marquera la fin de cette expérience politique inédite. Et je crois que Jean-Louis Robert aussi a énormément insisté, on a écouté partiellement son intervention, on aura l'occasion dans un rendez-vous futur sur cette antenne de proposer l'intégralité de sa communication, mais qui insistait aussi bien entendu sur la véritable démocratie, le peuple au pouvoir qui ne doit pas abdiquer et qui doit rester tout le temps au pouvoir. Le contrat social, il a énormément aussi évoqué l'idée communarde de la démocratie, en citant et en faisant référence à Rousseau notamment, et en évoquant bien sûr d'autres points. Pour terminer, Jean-Michel, peut-être simplement annoncer quelques références. On le rappelle à nouveau avec Jean-Louis Robert, cet ouvrage Le Paris de la Commune 1871, un ouvrage collectif qui présente Paris sous la Commune à travers... au travers d'approches très diversifiées. Également... L'ouvrage dirigé par Michel Cordillot, La Commune de Paris 1871, Les acteurs, les événements, les lieux, qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier et en coordination avec l'équipe éditoriale du Métron et qui repose beaucoup sur des notices biographiques, dont certaines stéphanois que Charles-Henri Girin a cité. Et puis des adaptations roman, sous forme de roman graphique. On a évoqué aussi ce travail de Jean-Louis Robert avec Carole Trébor et Nicolas Gobi au dessin pour cette bande dessinée roman graphique qui est parue le 4 mars dernier, Rouge Estampe, une enquête pendant la Commune de Paris. Cela permet aussi de renvoyer vers les romans graphiques. Et on peut bien sûr citer aussi le gros travail qui a été fait par Jacques Tardy autour de l'adaptation du roman historique de Jean Vautrin qui était paru en 1998 et qui a été adapté en bande dessinée, en effet, en roman graphique, en noir et blanc, très très beau, publié par Casterman en 4 volumes qui sont sortis début des années 2000. Et puis un travail tout récent, et là je crois qu'il faut le citer tout de même, ce sont Les Damnés de la Commune de Raphaël Messant, qui est un roman graphique en 3 parties, qui est sorti aux éditions Delcourt et qui a été adapté en animation, en film d'animation. Vraiment un gros gros travail et un dispositif esthétique assez incroyable. Ouais. Film qui est encore visible sur Arte. Arte Replay. Voilà, en replay en effet sur Arte. Raphaël Messant, donc roman graphique et ce film d'animation qu'on vous propose de retrouver donc en visionnage sur la chaîne Arte. Très belle adaptation de ce travail éponyme. On rappelle que c'est quand même adapté de gravures d'époque. Donc c'est vraiment esthétiquement très très très très beau. On va terminer en musique, en guise de générique de fin. On célèbre la Commune, même si on a tendance à davantage voir Napoléon un peu sur tous les manuels ou comment dire magazines d'histoire. La Commune n'est pas morte. On va écouter cette chanson que tu as sélectionnée, Jean-Michel, pour boucler. On écoute ça. Oui. Et puis c'est la toute dernière de cette saison. On se retrouvera l'année prochaine. C'est une chanson qui nous montre que effectivement la Commune a une longue postérité et qu'elle pose encore aussi des problèmes. Tu as évoqué problème de qu'est-ce que c'est que la démocratie, démocratie locale, démocratie nationale, et qu'est-ce que c'est que l'égalité sociale. On écoute Elle n'est pas morte, la Commune de Paris. On se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison, on l'espère. Et on vous souhaite à tous un bel été. Grémos Dio, et on vous renvoie aussi sur le site du Grémos, qui est tout nouvellement en place, grémos.fr, où on espère aussi pouvoir mettre très prochainement les émissions réalisées cette année et d'autres. On y travaille. En ligne et donc en podcast. Merci encore. Merci à vous. À très bientôt. On l'a tué à coups de chasse-pont, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la Commune n'est pas morte.